Chapitre 37 Des Essais de Montaigne, Livre 1. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Rémi. Essai par Michel Ekem de Montaigne, Livre 1, Chapitre 37 Comme nous pleurons et rions d'une même chose. Quand nous rencontrons dans les histoires qu'Antigonus sut très mauvais gré à son fils de lui avoir présenté la tête du roi Pyrrhus, son ennemi, qui venait sur l'heure même d'être tué combattant contre lui, et que l'ayant vu il se prit bien fort à pleurer, et que le duc René de Lorraine plaignit aussi la mort du duc Charles de Bourgogne qu'il venait de défaire, et emporta le deuil en son enterrement, et quand la bataille d'Auroi que le comte de Montfort gagna contre Charles de Blois sa partie pour le duché de Bretagne, le victorieux, rencontrant le corps de son ennemi trépassé, en mena grand deuil, et il ne faut pas s'écrier soudain, et causiaven que l'animo chascuna, sua passion sotto il contrario manto, ricopre con la vista or chiara or bruna. Quand on présenta à César la tête de Pompéius, les histoires disent qu'il en détourna sa vue, comme d'un vilain et malplaisant spectacle. Il y avait eu entre eux une si longue intelligence et société au maniement des affaires publiques, tant de communautés de fortune, tant d'offices réciproques et d'alliances, qu'il ne faut pas croire que cette contenance fût toute fausse et contrefaite, comme estime cet autre. Tutumque putavit iam bonus esse socer. Lacrimas non sponte cadentes effudit, gemitusque expressit pectore leto. Car bien qu'à la vérité la plupart de nos actions ne soient que masques et phares, et qu'ils puissent quelquefois être vrais, eredis fletus sub persona risus est. Si est-ce qu'au jugement de ces accidents, il faut considérer comme nos âmes se trouvent souvent agitées de diverses passions. Et tout ainsi qu'en nos corps, ils disent qu'il y a une assemblée de diverses humeurs, desquelles celle-là est maîtresse, qui commande le plus ordinairement en nous, selon nos complexions. Aussi en nos âmes, bien qu'il y ait divers mouvements qui les agitent, si faut-il qu'il y en ait un à qui le champ demeure. Mais ce n'est pas avec si entier avantage que pour la volubilité et souplesse de notre âme, les plus faibles par occasion ne regagnent encore la place, et ne fassent une courte charge à leur tour. D'où nous voyons non seulement les enfants, qui vont tout naïvement après la nature, pleurer et rire souvent de même chose. Mais nul d'entre nous ne se peut vanter, quelque voyage qu'il fasse à son souhait, qu'encore, au départir de sa famille et de ses amis, il ne se sente frissonner le courage. Et si les larmes ne lui en échappent tout à fait, au moins met-il le pied à l'étrier d'un visage morne et contristé. Et quelques gentilles flammes qui échauffent le cœur des filles bien nées, encore les dépend-on à force du col de leur mère pour les rendre à leurs époux, quoi que dise ce bon compagnon. Est-ce ne novis nuptis odio venus? Anne parentum frustrantur falsis gaudia lacrimulis? Ubertim talami quasi intra limina fundunt? Non, ita me divi, vera gemunt, juverint. Ainsi, il n'est pas étrange de plaindre celui-là mort qu'on ne voudrait aucunement être en vie. Quand je tense avec mon valet, je tense du meilleur courage que j'ai. Ce sont vraies et non feintes imprécations. Mais cette fumée passée, qu'il ait besoin de moi, je lui bien ferai volontiers. Je tourne à l'instant le feuillet. Quand je l'appelle un badin, un veau, je n'entreprends pas de lui coudre à jamais ses titres, ni ne pense me dédire pour le nommer honnête homme tantôt après. Nulle qualité ne nous embrasse purement et universellement. Si ce n'était la contenance d'un fol de parler seul, il n'est jour ni heure à peine en laquelle on ne mouille gronder en moi-même et contre moi, bran du fat. Et si n'entend pas que ce soit ma définition. Qui, pour me voir une mine tantôt froide, tantôt amoureuse envers ma femme, estime que l'une ou l'autre soit feinte? Il est un sot. Néron, prenant congé de sa mère, qui l'envoyait noyer, sentit toutefois l'émotion de cet adieu maternel, et en eut horreur et pitié. On dit que la lumière du soleil n'est pas d'une pièce continue, mais qu'il nous élance si dru, sans cesse, nouveaux rayons les uns sur les autres, que nous n'en pouvons apercevoir l'entre-deux. Largus enim liquidi fons luminis, aetherius sol, inrigat assidue coelum candore recenti, suppeditatque novo confestim lumine lumen. Ainsi élance notre âme ses pointes diversement et imperceptiblement. Artabanus surprit Xerxès, son neveu, et le tensa de la soudaine mutation de sa contenance. Il était à considérer la grandeur démesurée de ses forces au passage de l'Hellespont pour l'entreprise de la Grèce. Il lui prit premièrement un tressaillement d'aise à voir tant de milliers d'hommes à son service, et le témoigna par l'allégresse et fête de son visage, et tout soudain, en même instant, sa pensée lui suggérant comme tant de vie avait à défaillir au plus loin dans un siècle, il renfrogna son front et s'attrista jusque aux larmes. Nous avons poursuivi avec résolue volonté la vengeance d'une injure et ressenti un singulier contentement de la victoire. Nous en pleurons pourtant. Ce n'est pas de cela que nous pleurons. Il n'y a rien de changé, mais notre âme regarde la chose d'un autre œil, et cela représente par un autre visage, car chaque chose a plusieurs biais et plusieurs lustres. La parenté, les anciennes accointances et amitiés saisissent notre imagination et la passionnent pour l'heure selon leurs conditions. Mais le contour en est si brusque qu'il nous échappe. Nila deo fieri celeri ratione videtur, quam si mens fieri proponit et incoat ipsa. Occius ergo animus, quam res seperciat ulla, ante oculos quorum impromptu natura videtur. Et à cette cause, voulant de toute cette suite continuer encore, nous nous trompons. Quand Timoléon pleure le meurtre qu'il avait commis d'une si mûre et généreuse délibération, il ne pleure pas la liberté rendue à sa patrie, il ne pleure pas le tyran, mais il pleure son frère. L'une partie de son devoir est jouée, laissons-lui en jouer l'autre. Fin du chapitre 37.